pigeonnier. Tous les pigeons du coin, les bisels, les colombins, peuvent y participer. Le message est compris, de Venise à Paris, c'est un rassemblement des plus charmants. Le coup par en arrière, le coup par en avant, les yeux